Loin, t'es loin de toi, je ne te vois plus sur le chemin. Loin, disparu, tu ne sais pas où tu vas, mais tout doucement, pas à pas. Loin, t'es loin toi, si t'avais su te retourner, tu aurais vu ce que tu laisses derrière toi, un souvenir à chaque pas. Mais tu pars déjà. Oh, tu pars, c'est pas par là. Mais tu pars déjà. Oh, tu pars, c'est pas. T'es loin, toi, d'imaginer ce qui devrait te faire rester, tous ces repères qu'on ne voit pas quand on se perd, pas à pas. Loin, t'es loin, toi, bouleverser cet éloignement engagé, et tu me laisses une dernière fois un souvenir à chaque pas. Mais tu pars, tu pars déjà. Oh, tu pars, c'est pas par là. Mais tu pars déjà. Oh, tu pars, c'est pas par là. Mais tu pars.